إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans les explications par rapport aux égarements de Jama'at al-Tablir. Et on continue dans le livre du Cheikh Sultan al-Aïd, Ta'arruf ala Jama'at al-Tablir. Et on est rendu à la partie où le Cheikh mentionne les différentes fatwas des ulama au sujet de cette secte. Et maintenant donc on va lire les paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen. Donc le Cheikh il dit: وأما ثاني علمائكم يا أهل السنة فهو العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين غفر الله له وعلى درجاته. أولا وجه إليه سؤال من شخص تأثر بجماعة التبليغ، يقول السائل: إنه خرج مع الجماعة وفي حلق الذكر تكون مناقشة لستة مواضيع فقط، وهي التي تسمى عندهم بالصفات الستة، وهي تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، ثم الصلاة ذات الخشوع والخضوع، ثم العلم مع الذكر، ثم إكرام المسلم، ثم تصحيح النية، ثم الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله. فهل هذه الأصول شاملة فلا يحتاج معها إلى غيرها، وما وجه النقص؟ Donc on a posé la question au Cheikh à propos de quelqu'un qui a été affecté par cette jama'a, par cette secte et par ce groupe. Donc la personne qui pose la question, elle demande, elle dit qu'elle a sorti avec cette jama'a ils font des cercles dans lesquels ils font des rappels, et puis ils se concentrent sur la discussion au sujet de 6 points seulement. Et ces 6 points-là sont appelés chez eux les 6 caractéristiques ou les 6 qualités. Sifat as-sitta, les 6 qualités ou les 6 caractéristiques. La première, c'est de réaliser la bonne parole de la ilaha illallah, de comprendre sa signification. Deuxièmement, de faire la prière avec concentration et humilité. Troisièmement, d'avoir la science avec le rappel. Puis ensuite, d'être généreux envers les musulmans. Et ensuite, de corriger l'intention. Puis ensuite, de faire la da'wa à Allah et de sortir dans le chemin d'Allah. Donc, est-ce que ces fondements-là sont complets ou bien ils ont besoin de quelque chose d'autre aussi avec? Et s'il y a besoin de quelque chose d'autre, quel est le manque qui est dans cette méthode ou dans ces caractéristiques-là dont ils font l'explication? Et le Cheikh Ibn Uthaymeen, il répond. Il dit: فأجاب رفع الله درجته. هذه الأمور التي ذكرها السائل لا شك أنها أمور طيبة وخيرة، ولكنها ناقصة، ووجه نقصها إن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو ما تضمنه حديث عمر بن الخطاب، يعني لما جاءه جبريل أو جبرائيل سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. فنصيحتي لهؤلاء الإخوة الذين جعلوا هذه المبادئ الخمسة يمشون عليها أن يعدلوا عن هذه الفكرة وأن يتجهوا لهذا الحديث الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الدين. Donc le cheikh il mentionne dans cette fatwa, il dit ces choses-là qui ont été mentionnées par la personne qui pose la question, il n'y a pas de doute que ce sont des choses qui sont bonnes, mais il y a des manques dedans. Et l'aspect du manque qui existe dans ces caractéristiques-là, c'est que la religion, elle a été ramenée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la religion de l'islam, elle est comprise dans le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, c'est-à-dire le hadith de Jibril, lorsque Jibril est venu poser les questions au sujet de l'islam, de l'iman et de l'ihsan. Donc le cheikh dit, mon conseil pour ceux-là, pour ces frères qui vont avec ces gens-là, c'est de prendre ces cinq piliers-là et de marcher sur ces cinq piliers, sur ce hadith-là, yani, qui explique les fondements de l'islam, etc. Et de ne pas s'en détourner vers une autre idée ou vers une autre chose. Et qu'il se concentre et qu'il se dirige vers ce hadith-là dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la religion pour eux. Ensuite, le cheikh il dit ويستفاد من هذه الفتية أولا أن هذه الجماعة في بلادنا تسير على طريقة أمراء الجماعة الأعاجم أصحاب الطرق الصوفية الأربعة في التمسك بالأصول الستة وفي دعوتهم وغيرها، ثم يزعمون أنهم لا علاقة لهم برموز التصوف في بلاد العجم، وهذا الزعم باطل كما ترى. وثانيا صرح الشيخ بأن دعوة التبليغ قائمة على هذه الأصول الستة وناقصة، وصدق رحمه الله. وثالثا أوصاهم الشيخ بلزوم ما في حديث جبريل عليه السلام، لكنهم لم يفعلوا لأنهم أهل عناد لا يتخلون عن منهجهم الدعوي الذي سنه لهم محمد إلياس. Le cheikh il mentionne trois points bénéfiques qu'on peut comprendre à partir de cette fatwa. Premièrement, le cheikh il dit que on voit bien que la jama'a qui est en Arabie Saoudite, parmi ceux qui suivent la voie de Jama'at al-Tablir, elle suit la même voie des chefs et des responsables de cette jama'a qui sont dans les pays de l'Inde et autres. Donc, c'est ceux qui sont sur les quatre turqs soufis qu'on a mentionnés dans les cours passés. Al-Saharwardiya, Al-Jistiya, Al-Naqshbandiya, Al-Qadiriya. Et donc, les chefs de cette jama'a, ils sont sur ces turqs-là et ils ont une allégeance à ces turqs-là. Donc, ils se concentrent sur le manhaj et la méthodologie qui a été établie par les chefs de Jama'at Tabligh qui sont en Inde, et ils s'accrochent à ces six caractéristiques-là dans leur da'wah. Comme on va voir plus tard, c'est que ces six piliers-là, en apparence, quand tu les entends, on dirait pas qu'ils ont quoi que ce soit de contraire à l'islam, sauf que c'est dans la compréhension de ces points-là que les gens de Tablir ont un problème, parce qu'ils se limitent pas, ils retournent pas à la vraie signification de ces piliers ou de ces caractéristiques-là. Et ça, on va le voir un petit peu plus détaillé dans les autres fatwas qui vont suivre. Donc, le premier point qu'il veut faire comprendre, en fait, c'est que les gens de Tablir, peu importe où ils sont, que ce soit en Arabie Saoudite ou en Inde ou ailleurs, ils suivent toujours la même ligne, la même voie tracée par les fondateurs de cette jama'a en Inde. Et ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de relation entre le groupe qui est en Inde et les autres qui sont répandus dans le monde, en Arabie Saoudite ou ailleurs, eh bien, c'est une fausse prétention. Et c'est pas vrai qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux. Et le cheikh il dit, deuxièmement, que le cheikh Ibn Uthaymin, dans cette fatwa, premièrement, il a dit clairement que la da'wah de tablir, elle est fondée sur ces 6 points-là et que ce sont des choses qui sont, ce sont des points qui sont incomplets. Et il a dit la vérité. Après, troisièmement, le cheikh il dit que le cheikh Ibn Uthaymin leur a donné le conseil dans ce, dans cette fatwa de s'accrocher et de suivre le hadith de Jibril. Suivre le hadith de Jibril. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne se sont pas accrochés au hadith de Jibril. Ils ne se sont pas basés sur le hadith de Jibril au lieu de leurs 6 points. Donc, pourquoi? Parce que le cheikh dit parce que ce sont des gens qui sont toujours opposés, qui s'opposent toujours à ce qu'on leur propose comme aspect de la sunna ou de l'islam et du manhaj des salaf, et ils préfèrent rester sur leur méthodologie de da'wah que Mohamed Elias a établi pour eux. Après, le cheikh il dit ثانياً هذه فتوى أخرى للعلامة ابن عثيمين بين فيها ضلال جماعة التبليغ في فهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله فمعناها عندكم يا أهل السنة لا معبود بحق إلا الله وأما هذه الجماعة فلها تفسير محدث محدث ذكره السائل بقوله بعض ما يفسر لا إله إلا الله يفسرها بقوله هي إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله وأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله فهل هذا التفسير صحيح إن لم يكن صحيحا فما التفسير الصحيح. Donc ici, la deuxième fatwa qui a été, c'est la question qui a été posée au cheikh au sujet de la définition de la ilaha illallah par rapport à cette jama'a. On en a parlé dans les cours passés. Ici maintenant, on a un exemple de ça dans les paroles du cheikh Ibn Uthaymin. Donc, on sait que pour nous, Ahlus Sunnah, la signification de la ilaha illallah, ça signifie rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Mais pour cette jama'a, ils ont une autre tafsir, une autre explication de ce témoignage de la ilaha illallah. Donc certains d'entre eux, comme dans la question, on le voit, ils disent certaines personnes font interprètent la ilaha illallah en disant que c'est de faire sortir la fausse certitude du cœur en les choses et de faire rentrer la bonne certitude à propos d'Allah ou en Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui le créateur. Il n'y a pas de créateur excepté Allah, il n'y a pas de pourvoyeur excepté Allah, il n'y a pas de contrôleur de l'univers ou personne qui contrôle le monde excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce tafsir, il est correct? Donc ça c'est leur tafsir ou c'est leur explication du témoignage de la ilaha illallah. Est-ce que ce témoignage de la ilaha illallah est correct? Et sinon, quel est le bon tafsir ou quelle est la bonne explication de la ilaha illallah? Donc, le cheikh Ibn Uthaymin, il a répondu à cette question-là. Il a dit, فَأَجَابَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَوْلِهِ هَذَا التَّفْسِيرُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ تَفْسِيرَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَتَحَقَّقُ بِهِ إِلَّا تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ فَقَدْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ وَحْدَهُ لَا يَدْخُلُ الْإِنسَانَ أو لَا يُدْخِلُ الْإِنسَانَ فِي الْإِسْلَامِ معنى كلمة التوحيد الصحيح أنه لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله لهذا قال الله عنهم أي عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فتبين بهذا أن المشركين أفهم لكلمة لا إله إلا الله أو أفهم لمعنى كلمة لا إله إلا الله من هذا الذي جعل معناها مجرد اليقين والإيمان بأن الله هو الخالق الرازق وهذه مسألة عظيمة يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله من هذا التفسير الفاسد لمعنى لا إله إلا الله وأن يرجع إلى التفسير الصحيح الذي اتفق عليه المسلمون. Donc le cheikh explique ici, il dit Ce tafsir n'est pas correct. Cette explication de la ilaha illallah, elle est incorrecte. Hein? Et elle ne réalise pas l'islam pour quelqu'un. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a interprété ou expliqué la ilaha illallah de cette manière, eh bien, c'est pas, il n'a pas encore réalisé la réalité de l'islam et du tawhid. Hein? Parce que il n'a ramené que tawhid al-rububiyya. Il n'a ramené que l'unicité d'Allah dans la souveraineté. Et on sait très bien que le tawhid de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa souveraineté, à elle seule, n'est pas suffisante pour faire rentrer une personne dans la religion et dans l'islam. Ça signifie, il dit, la signification réelle de la ilaha illallah, c'est de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit au sujet des mushrikines, hein, dans surat As-Saffat, il dit, lorsqu'on leur disait de dire la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil. Et ils disaient, est-ce qu'on va abandonner nos idoles pour un poète qui est fou? Donc, c'est la preuve que ces gens-là ont compris très bien que la signification de dire la ilaha illallah, ça impliquait d'abandonner ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il dit, on peut comprendre par ça que, par ce verset, que les mushrikines avaient une compréhension de la ilaha illallah qui était plus grande et qui était meilleure que la compréhension de celui qui dit que c'est uniquement d'avoir la certitude ou la conviction et la foi que Allah est le créateur et le pourvoyeur. Parce que, comme on le sait, les mushrikines, ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala était que Allah est le créateur et le pourvoyeur, et qu'il n'y a pas de créateur en dehors de lui. Donc, le fait de savoir ça, c'est pas ça qui te fait devenir musulman, puisque sinon les mushrikines auraient été considérés comme étant des musulmans par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils affirment qu'Allah est le créateur et qu'il est unique. Hein? Mais c'est pas ça qui est suffisant. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas cessé d'adorer d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on sait très bien que ton témoignage de la ilaha illallah n'aura pas de valeur si tu fais juste affirmer tawhid al-rububiyya. Donc, c'est ça que le cheikh explique ici. Il dit ça, c'est un point très important et c'est obligatoire pour la personne qui a cette fausse compréhension de la ilaha illallah de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de cette fausse interprétation et de revenir à la bonne interprétation et la bonne compréhension de la ilaha illallah sur laquelle les musulmans se sont mis d'accord. Et ensuite, il dit donc le cheikh Sultan Al-Aid, parce que là c'est la fin de la fatwa. Après, le cheikh il commente sur la fatwa, il dit: Ala tara ayyuha al-muwaffaq al-musaddad kayfa anna al-shaykh ibn Uthaymeen يقول إن المشركين أفهموا لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله من هذا الذي جعل معناها مجرد اليقين وقائل هذا هم التبليغيون الأحباب ثم إن الشيخ نصحهم بالتوبة عن هذا الانحراف العقدي الخطير ولكنهم لم يفعلوا ومشوا على طريقتهم الباطلة. الشيخ الزي n'as-tu pas vu ou toi que à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le succès et le support? Comment le cheikh Ibn Uthaymeen dit que les mushrikines avaient une meilleure compréhension de la signification de la parole du tawhid, la ilaha illallah, que celui qui dit que c'est uniquement d'avoir la certitude que Allah est le créateur et le maître et le pourvoyeur. Hein? Et la personne qui interprète la ilaha illallah ou qui interprète le shahada avec cette interprétation-là, que c'est la certitude et la foi, que Allah est le créateur et le pourvoyeur, ça c'est les gens de Tablir, c'est les gens de la secte de Tablir. Ils interprètent la ilaha illallah uniquement de cette manière-là. Hein? Et puis, le cheikh il dit que le cheikh Ibn Uthaymeen leur a donné le conseil de se repentir, hein, et de revenir sur cette fausse compréhension et sur cette déviation dans leur aqida qui est dangereuse. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ils ont continué sur leur fausse voie. Ensuite, deuxième point, par rapport à cette jama'a, il y a une autre question qui a été posée au cheikh. Hein? Thaniyan, ثانيا هذه فتوى ثالثة له عن الدعاء الجماعي الذي يقومون به بعد تلاوة البيان. يقول السائل: ما حكم الدعاء الجماعي عند بيانهم وعند الخروج من المسجد للذهاب إلى الجولة؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الدعاء الجماعي سواء كان عند النصيحة أو الخروج من المسجد أو عند الذهاب إلى الدعوة ليس له أصل وهو نوع من البدعة. Le cheikh explique, il dit qu'il y a une autre question qui a été posée au cheikh au sujet du dua que les gens font en groupe. C'est les gens de cette secte. Après, quand ils ont terminé de faire leur bayan, ils font un dua en groupe. Et quel est le verdict du dua qu'ils font en groupe lorsqu'ils font leur bayan, lorsqu'ils font leur discours, ou bien lorsqu'ils sortent de la mosquée pour aller faire leur promenade ou leur visite des gens? Qu'est-ce qu'on dit donc au sujet de ce genre de dua qu'ils font en groupe? Parce qu'il y en a un qui fait le dua, puis ils sont tous là autour de lui en rond et qu'ils répètent Amin, Amin, Amin. Donc le Cheikh Rahimahullah, il répond, le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit que le dua en groupe, peu importe que ce soit fait lors de la nasiha ou lorsque ce soit fait ou peu importe que ce soit fait lorsque quelqu'un sort de la mosquée ou lorsqu'ils sortent de la mosquée ou lorsqu'ils vont faire la da'wa ou des choses de ce genre, ça n'a aucun fondement et c'est une sorte de bid'ah. Et dernièrement, le cheikh dit: wa akhiran lamma balagha al-shaykh ibn Uthaymeen ma 'inda hadhihi al-jama'a min inhirafat 'aqidiyya sadarat 'anhu hadhihi al-fatwa aw al-futya. فقال بلغني عن زعماء لهؤلاء الجماعة في الأقطار الإسلامية خارج بلادنا أنهم على انحراف في العقيدة، فإذا صح هذا فإن الواجب الحذر منهم. صدق رحمه الله، وقد صح انحرافهم بشهادة الثقات من العلماء وغيرهم وبالنقل من كتبهم، فالواجب كما يقول العلامة ابن عثيمين الحذر منهم والانضمام إليهم والتأسي بهم، الحذر منهم لا الانضمام إليهم والتأسي بهم واتخاذهم أمراء للدعوة. Le Cheikh il dit dernièrement, le Cheikh ibn Uthaymeen a appris au sujet de cette jama'a qu'ils avaient des déviations dans leur aqidah. Et donc, il a fait cette fatwa finale à leur sujet. Il a dit: on m'a transmis que les fondateurs ou les chefs de cette jama'a dans les pays musulmans, en dehors de ce pays, qu'ils ont des déviations dans leur aqidah. Donc, si cette chose-là est vraie, alors l'obligation, c'est de prendre garde et de faire attention. Et le cheikh Sultan Al-Eid il dit, et il a dit vrai, rahimahullah, hein, parce que ces déviations-là de la part de ces gens-là, elles ont été confirmées par le témoignage de personnes fiables parmi les ulama et d'autres également. Et également par rapport à ce qui a été transmis cité dans leurs livres. Donc c'est obligatoire, comme Ibn Uthaymeen il le dit, de faire attention et donc il faut faire attention à eux et il ne faut pas s'allier à eux et se baser sur eux et les prendre comme des dirigeants ou des chefs dans la da'wah. Ensuite, le cheikh il mentionne une fatwa du cheikh Abdurrazzaq Afifi dans laquelle il réfute une shubha. Donc il réfute une de ces shubuhat. Il dit: ها هو ثالث علمائكم يا أهل السنة يرد شبهة يوردها الملبسون من أتباع هذه الجماعة، يقولون: فرق بين التبليغ في الهند والتبليغ في جزيرة العرب، فيقرون ببدع وشركيات أصحابهم من العجم، ولكنهم يزكون العرب، يقرون ببدع وشركيات أصحابهم من العجم، ولكنهم يزكون العرب بأنهم براء من الشركيات والبدع والانحراف في والانحراف العقدي كما يزعمون. وهذه دعوة تحتاج إلى برهان والواقع يكذبها، وذلك أن أتباع هذه الجماعة من العجم والعرب منهجهم في الدعوة واحد، وأصولهم الستة واحدة، وقيادتهم ورموزهم وأميرهم واحد، وعداوتهم لأهل السنة السلفيين هي هي، فلا فرق بين العجم والأعجم بين العرب والأعجم منهم، كلهم يوقرون مؤسس الجماعة الخرافي. والعرب يلتقون بالعجم في اجتماعهم السنوي في مكان واحد، وبيانهم واحد، واعتكاف العرب إذا خرجوا في مسجد العجم نفسه المبنى على القبر، نفسه المبني على القبر في مسجد العجم نفسه المبني على قبر، ويتعاطفون مع قيادات الجماعة ورموزها الأعجمية، ويصدرون عن آراء أمرائهم، ويستقبلونهم إذا وفدوا للجزيرة العربية، ويفتحون لهم مجالسهم ومنتدياتهم الدعوية ليقولوا ما شاءوا. بل قد شهد العالمون بحقيقة هذه الجماعة أن بعض الأحباب العرب بايعوا رئيس الجماعة في الهند على الطرق الأربعة الصوفية، ثم بعد ذلك يزعم التبليغيون العرب أنهم أهل عقيدة صحيحة ويختلفون عن أصحابهم العجم. لقد كذب علماؤنا هذه الدعوة الباطلة. Donc, Cheikh il dit, voici le troisième d'entre vos ulama, ou vous Ahlus Sunnah, qui réfute une des shubha que certains parmi ces gens-là qui sont dans cette jama'a essaient de propager. C'est-à-dire que parmi les gens qui font partie de Jama'at al-Tabligh, qui sont en Arabie Saoudite, et même parfois dans d'autres pays arabes, ils disent que il y a une différence entre les gens de Tabligh en Inde et les gens qui sont dans la secte de Tabligh dans la péninsule arabe ou dans d'autres pays arabes aussi. Donc, le Cheikh, il réfute ça et il dit, en fait, ils confirment ou ils acceptent, ils approuvent des bid'ah et des formes de shirk qui sont pratiquées par leurs compagnons parmi les non-arabes. Et donc ils disent que il y a une différence entre les arabes et les non-arabes, les indiens et les autres. Ils disent, eux, ils font des formes de shirk et des bid'ah, mais nous les arabes, parmi les gens qui sommes dans cette secte, nous on ne les suit pas et on ne fait pas la même chose qu'eux. Donc ils acceptent, ils approuvent les bid'ah des gens qui font partie des non-arabes qui sont dans ce groupe, puis ils se désavouent eux-mêmes et ils se déclarent eux-mêmes comme étant exempts de ces formes de shirkiyat et d'innovation et de déviation dans la croyance, comme ils le prétendent. Et ça, c'est une prétention qui doit être supportée par une preuve, parce que la réalité de qu'est-ce qui se passe, vient démentir qu'est-ce qu'ils prétendent. La réalité de ce qui se passe dans leur groupe et dans leur secte vient démentir ce qu'ils prétendent. Et c'est pour ça que les gens parmi cette secte qui sont dans cette jama'a, que ce soit des non-arabes ou des arabes, leur méthodologie, c'est une seule et même méthodologie. Leurs 6 points, ce sont les mêmes 6 points. Et leur chef et leur dirigeant et leur méthode, c'est la même méthode. Et leur chef, c'est le même amir. Ils ont un seul amir, peu importe qu'il soit arabe ou non. Et leur opposition aux gens de la sunna parmi les salafiyins, c'est la même opposition et la même haine qu'ils ont pour les salafis, qu'ils soient arabes ou non arabes. Et il n'y a pas de différence et de distinction donc entre les arabes parmi eux et les non arabes. Ils sont tous, ils ont tous ce respect pour le fondateur. Le fondateur de cette jama'a qui était sur les mensonges et sur les faussetés, sur les fausses croyances et les superstitions. Donc ça, c'est des preuves qu'ils ne sont pas différents. Même si, en apparence, ils veulent dire ou prétendre qu'ils sont différents, ils suivent la même voie et la même méthodologie. Et le cheikh, il dit que les Arabes, ils se rencontrent avec ces gens-là, parmi les non-Arabes de ce groupe, dans leur réunion annuelle qu'ils font dans le même endroit. Et leur bayan, c'est le même bayan. Et leur intikaf, lorsqu'ils sortent pour aller dans la mosquée du fondateur en Inde, lorsqu'ils font leur réunion, ils font les intikaf dans la mosquée qui est construite sur la tombe. Hein? Et ils ont une affection pour les fondateurs et les responsables et les chefs de cette jama'a et pour leurs responsables parmi les non-arabes, parmi les gens qui sont en aide. Hein? Et ils se basent sur les opinions de leurs chefs. Hein? Ils suivent leurs opinions. Et ils les reçoivent lorsqu'ils viennent en délégation dans les pays arabes. Et ils leur ouvrent les portes de leur forum et de leurs endroits pour faire leur da'wah. Pour qu'ils puissent dire ce qu'ils veulent. Hein? Et les gens qui connaissent la réalité de cette jama'a, ils ont témoigné de ça. Ils ont témoigné de ces choses-là. Et certains, même parmi ceux qui étaient avec eux auparavant, qui ont été témoins de ces choses-là, ils ont témoigné et ils ont même dit que certains de ces Arabes-là ont témoigné qu'ils ont donné un serment d'allégeance au chef de la jama'a qui était en Inde. Ils lui ont donné une bay'a. Et cette bay'a était basée sur une bay'a, une allégeance à quatre parmi les turuq soufiya qu'on a mentionné tout à l'heure. Puis par la suite, ils prétendent dire qu'il y a une différence entre l'établir des Arabes et ceux qui font partie des non-Arabes, et que eux, c'est les établir qui sont Arabes sont avec une bonne aqidah, contrairement aux non-Arabes. Et les non-ulama les ont démentis à ce sujet-là, et ils ont prouvé que cette prétention-là, elle était complètement fausse. Donc, juste avant de lire la fatwa, juste rajouter un petit point par rapport à qu'est-ce que le cheikh il mentionne ici, c'est que cette prétention-là, comme le cheikh il le clarifie, c'est une fausse prétention, qu'il y a une différence entre les Arabes et les non-Arabes. Et même s'il y en avait une, comment ils peuvent prétendre qu'ils n'ont pas la même aqida que les gens de Tablir qui sont en Inde, et qu'ils continuent de coopérer avec eux et de travailler avec eux et d'approuver ce qu'ils font. Hein? Donc celui qui dit par exemple, moi je ne fais pas le shirk, ou je n'ai pas de bid'a, ou je ne suis pas d'accord avec les choses que ces gens-là font, mais qui continue à être avec eux et à les défendre et à suivre leur méthodologie, eh bien celui-là c'est comme si en réalité il se contredit et il est complice avec eux. Il est complice avec eux. Et comme on a expliqué plusieurs fois, ce n'est pas une condition pour que quelqu'un soit un mubtadi' ou pour que quelqu'un soit un mushrik, qu'il soit nécessairement en train de commettre ou de faire lui-même cette bid'a. Mais s'il est, par exemple, si supposons que lui-même il ne fait pas cette bid'a, il n'est pas d'accord avec cette bid'a ou avec des formes de shirk qui sont pratiquées, mais que, c'est-à-dire il ne le fait pas lui-même, mais il approuve que les autres le fassent. Et il les défend lorsque ils le font. Mais là, il y a un problème. Ça prouve qu'il y a un problème. Et qu'il est d'accord en réalité. Puisqu'il défend la bid'a et il défend l'égarement. Donc, il est complice. Et le cheikh, il mentionne ici. Ah oui, puis aussi, je me souviens aussi que même si, par exemple, il parle d'établir qu'ils sont en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays arabes, et bien dans d'autres pays arabes, il y en a d'autres qui font partie de tablir qui sont avec des croyances des soufis, qui ont des croyances soufis eux aussi. Donc, même s'ils ne sont pas sur exactement les mêmes bid'a que ceux qui sont en Inde, ils ont eux aussi leur part de bid'a qu'ils ont ramené avec eux. Le cheikh, il dit: وها هو نائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى وغفر له. يصرح بذلك لما سئل عن خروج جماعة التبليغ للتذكير بعظمة الله أجاب بقوله الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرها وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم إلى شيخهم إلياس أما الخروج بقصد الدعوة إلى الإسلام فهو جهاد في سبيل الله وليس هذا خروج جماعة التبليغ وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم وهم المبتدعة في أي مكان كانوا في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية كلهم مرتبطون بشيخهم إلياس. Donc ici, voici la fatwa du chef adjoint ou du responsable adjoint du comité permanent pour la fatwa pour la fatwa en Arabie Saoudite. Le Cheikh Abdelrazzaq Afifi, rahimahullah. Il a dit clairement lorsqu'on lui a posé la question au sujet de sortir avec Jamaat al-Tablir pour se rappeler de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Abdelrazzaq Afifi, rahimahullah, il a dit la réalité à leur sujet, c'est que ce sont des gens de bid'ah, qui sont des gens qui déforment l'islam. Ce sont des gens qui suivent différentes turuq, qadiriya et d'autres turuq soufiya. Il dit, le fait de sortir avec eux, ce n'est pas dans le chemin d'Allah. Sortir avec eux, leur sortie n'est pas dans le chemin d'Allah, mais c'est dans le chemin de Ilyas. Et ils n'appellent pas au Coran et à la Sunna, mais ils appellent à leur cheikh Ilyas. Donc, ça c'est pour expliquer que ces gens-là, ils suivent leur fondateur et la voie de leur fondateur, et ils appellent à leur cheikh et non pas à l'islam. En ce qui concerne le fait de sortir dans le but de vraiment de faire la da'wa à l'islam, ça c'est un djihad dans le chemin d'Allah. Mais ça, ce n'est pas la sortie ou le khuruj de Jama'at al-Tablir. Il dit, je connais le Tablir depuis très longtemps. Et ce sont des mubtadi'a, peu importe où ils sont. Que ce soit en Égypte, en Israël, en Amérique ou en Arabie Saoudite, ils sont tous reliés à leur cheikh Ilyas. Donc ça, c'est une confirmation du cheikh ici, cheikh Abdelrazzaq Afifi, qui nous montre que ces gens-là sont sur une voie de bid'a, qu'ils n'appellent pas à l'islam et qu'ils n'appellent pas au Coran et à la Sunna, mais qu'ils appellent à la voie de Ilyas. Donc il dit ici le cheikh maintenant fatwa al-allama al-albani هذه رابع علمائكم يا أهل السنة يبين ما في هذه الجماعة من تخبط عقدي وخلط وانحراف ألا وهو العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني غفر الله له وأعلى درجته حيث يقول عنهم هم يقولون إن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة ولكن هذا مجرد كلام فهم لا عقيدة تجمعهم فها ما تريدي فهذا ما تريدي وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا لا مذهب له ذلك لأن دعوتهم قائمة على مبدأ كتل جمع ثم ثقف والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم فقد مر عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان وما نبغ فيهم عالم. Le cheikh il dit que ça c'est le quatrième d'entre vos ulama, parmi les ulama de Ahl Sunnah qui défendent la Sunnah qui clarifient les égarements des déviations dans la croyance de ce groupe là et des égarements et des déviations et des mélanges qui sont exprimés dans cette secte et dans ce groupe. Et bien entendu, on parle du grand savant et du cheikh et du muhaddith, le cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, ghafarallahu lahu wa a'la darajatah. Lorsqu'il dit à leur sujet, il dit ces gens-là disent que leur da'wa, Cheikh Al-Albani, il dit, ces gens-là, c'est-à-dire Jama'at Tabligh, ils disent que leur da'wa est établie sur le Coran et la Sunna. Mais ça, c'est uniquement des paroles. Parce qu'ils n'ont aucune aqida qui les réunisse. Et tu vois, celui-là, c'est un Maturidi, celui-là, c'est un Ash'ari, celui-là, c'est un Soufi, celui-là, il n'a pas de mazhab. Donc, en réalité, leur da'wa, elle est basée sur le fondement ou le principe, un peu comme les Ikhwan, la même chose. Réunis les gens, puis après, essaie de les cultiver. Réunis les gens, essaie de les cultiver. Donc, ce n'est pas basé sur la science. Et en réalité, le Cheikh dit, ils n'ont aucune connaissance, aucune culture. Pourquoi? Parce qu'on a vu que plus qu'un demi-siècle est passé sans qu'aucun savant ne soit sorti parmi eux. Un demi-siècle est passé et on n'a pas vu apparaître parmi eux aucun grand savant. Le Cheikh dit ensuite, « ثم بينا رحمه الله ضلالهم العقدي وتصوفهم البدعي وتحايلهم على المؤمنين فقال دعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية تدعو إلى الأخلاق أما إصلاح عقائد المجتمع فهم لا يحركون ساكنا لا يحركون ساكنا لأن هذا بزعمهم يفرق ثم قال غفر الله له جماعة التبليغ ليس لهم منهج علمي وإنما منهجهم حسب المكان الذي يوجدون فيه فهم يتلونون بكل لون فنعوذ بالله من المتلونين في الدين. Le Cheikh il dit, puis par la suite il dit rahimahullah, il parle de leur égarement et leur tasawuf, le fait qu'ils sont sur la bid'a des soufis et comment ils essaient de faire des ruses et de tromper les croyants. Il dit que Jama'atul Tabligh, c'est une forme contemporaine de soufisme. C'est une nouvelle forme contemporaine de soufisme. Et ils invitent les gens au bon comportement. Mais en ce qui concerne le fait de corriger la croyance de la société, les croyances qui sont dans la société, ils ne bougent rien, ils ne bougent pas du tout à ce sujet-là. C'est-à-dire, ils ne s'intéressent pas du tout au fait de corriger la croyance des gens dans la société. Et pourquoi ils refusent de corriger la aqida des gens? Bon, le Cheikh il dit que c'est parce qu'ils disent qu'ils pensent que ça divise. Ils pensent que ça va diviser les gens de parler de aqida avec eux. Ensuite, le Cheikh il mentionne, il dit, Jama'atul Tabligh, ils n'ont pas une méthodologie scientifique. Hein? Leur manhaj, ils changent selon l'endroit où ils se trouvent. Et ils changent de couleur, peu importe. Là où ils sont, ils changent de couleur pour s'adapter à l'endroit où ils sont. Et ça c'est tiré de Al-Fatawa Al-Imaratiya, hein, dans les Fatawa Al-Imaratiya. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils font partie des caméléons. Ce sont des gens qui changent de couleur selon le lieu, selon l'endroit, pour s'adapter, pour se faire accepter. Le Cheikh dit Yustafadu min kalamihi rahimahullah umur minha أن هذه الجماعة ليس لها عقيدة صحيحة تجمعهم. ثانيا لقد أصبحت هذه الجماعة مأوى لأهل البدع، فأتباع الجماعة إما صوفي أو أشعري أو ما تريدي أو لا مذهب له. وثالثا زهد الجماعة في العلم الشرعي، ولهذا لم يخرج من بينهم عالم. ورابعا جزم الشيخ الألباني بأن دعوة جماعة التبليغ دعوة صوفية أو صوفية عصرية. وخامسا أن التبليغيين من المتلونين في الدين كما هي عادة أهل البدع فاحذرهم. Donc il résume tout ce que le Cheikh a dit en cinq points. Il dit que premièrement, donc le Cheikh al-Albani, il dit que cette aqida, cette jama'a, cette secte, ils n'ont pas de aqida qui les réunisse, autour de laquelle ils se réunissent. Deuxièmement, on remarque que cette jama'a est devenue le point de rencontre ou le refuge de toutes les gens, de tous les gens de bid'a. Parce que les gens de cette jama'a, ils comprennent parmi eux, ils recueillent parmi eux des soufis, des ash'ari et des maturidi, et des gens qui n'ont pas de madhab du tout. Donc, ils sont tous réunis ensemble là-dedans. Troisièmement, Zuhdul Jama'a, c'est-à-dire ils s'écartent de la science islamique. Et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas parmi eux des savants qui sont sortis. Et il dit, le Cheikh Al-Albani, il dit également avec certitude que c'est une da'wa, la da'wa de cette jama'a, c'est une voie qui est soufia, une forme de contemporaine de soufisme. C'est une forme contemporaine de soufisme. Et il dit comme cinquième point que les gens de Tablir, ils sont comme des caméléons, ils changent de couleur et ils changent de couleur selon les gens avec qui ils sont et l'endroit où ils sont. Donc c'est des gens qui utilisent des ruses, et ça c'est l'habitude des gens de bid'a, alors prenez garde. Ensuite le cheikh il mentionne les fatawa du cheikh Salih Al-Fawzan au sujet de cette jama'a. الشيخ يقول أما خامس علمائكم يا حماة التوحيد فهو العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أعزه الله ونصره وسدده عضو هيئة كبار العلماء ها هو يوصيكم ويكشف لكم حال هذه الدعوة فيقول بلادنا الحبيبة الحمد لله ليست بحاجة إلى استيراد مناهج منها هنا أو من هنا وهناك وإنما يجب على أهل البلاد التمسك بما هم عليه من دعوة الحق ونبذ ما خالف ذلك من أي جماعة سواء جماعة التبليغ أو غيرها من الدعوات المشبوهة وجماعة التبليغ قد قيل عنها الكثير والكثير من المخالفات والبدع كما بين ذلك أناس عايشوها وصحبوا أهلها وعرفوا ما عندهم وبينوا أن دعوة هؤلاء مخالفة لمنهج دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها دعوة صوفية بدعية فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب التحذير منها وخصوصا في هذه البلاد السعودية التي من الله عليها بوجود الدعوة السلفية المستقيمة في منهجها وأهدافها. Le cheikh, maintenant on va vous parler, on va vous citer les paroles du cinquième d'entre vos ulama, oh, vous les protecteurs du tawhid, c'est le cheikh al-allama Salih ibn Fawzan al-Fawzan azzahullah wa nasarahu wa saddadahu, un des membres parmi les grands, du comité des grands savants, hein, et voilà qu'il donne le conseil et qu'il dévoile pour vous l'état de cette da'wa de ces gens-là, de la secte Tablir. Il dit notre pays bien-aimé, alhamdoulillah, n'a pas besoin de ce genre de méthodologie qui vient de l'extérieur, d'ici ou de là-bas. Il dit, il est obligatoire pour les gens de ce pays de s'accrocher sur ce qu'ils ont, hein, de la da'wa de vérité, de la da'wa de vérité, et de repousser tout ce qui est en contradiction, hein, qui est en contradiction avec cette da'wa, la da'wa du tawhid et de la sunna. Donc il dit tout groupe, peu importe que ce soit Jama'at al-Tablir ou d'autres parmi les groupes qui sont douteux, hein, il dit Jama'at al-Tablir, on a parlé beaucoup, on a dit beaucoup de choses à leur sujet. Qu'est-ce qu'ils ont comme déviation, comme innovation, hein, comme contradiction de la part de ceux qui ont vécu avec eux et qui les ont accompagnés et qui ont connu la réalité de ce que ces gens-là font et qu'est-ce qu'ils ont comme croyance. Et ils ont clarifié que leur da'wa, elle est en contradiction avec le manhaj et la méthodologie de la da'wa du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que c'est en réalité une da'wa, leur da'wa c'est une da'wa qui est soufie, qui est basée sur l'innovation. Donc si c'est le cas, alors il est obligatoire d'avertir à leur sujet, et en particulier dans le pays de l'Arabie Saoudite, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait à ce pays-là la faveur de faire en sorte qu'il y ait la présence d'une da'wah salafiyya qui est sur le droit chemin et dont le manhaj et les objectifs sont droits. Hein? Alhamdulillah, et je me souviens, il y a même des frères qui sont convertis. Hein? Comme je vous ai déjà mentionné ça justement dans le passé, j'ai connu un frère qui est converti et qui était avec cette jama'a depuis sa conversion au tout début. Hein? Et ça fait plus que 20 ans qu'il est converti à l'islam. Et je me souviens qu'au début, quand on parlait avec eux, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? En apparence, ils montrent qu'ils aiment tout le monde et qu'ils sont avec tout le monde. Eh bien, celui-là, quand il était en privé avec d'autres musulmans, qu'est-ce qu'il commençait à leur dire? Il commençait à leur dire que l'Arabie Saoudite, c'est la da'wa des Wahhabiyas. Et il essayait de leur dire que les Wahhabiyas, il y a un hadith qui dit que le shaitan, les cornes du shaitan vont apparaître de cette région-là et que c'était la da'wa de Mohammed ibn Abdul Wahhab et qu'ils essayaient de les accuser d'être des khawarij et des choses de ce genre. Et donc, ça c'est en sourdine, en cachette, qu'est-ce qu'ils disent entre eux au sujet de la da'wa de Mohammed ibn Abdul Wahhab, comment ils mentent à leur sujet. Et ça c'est la tendance de tous les soufis, tous les gens de bid'ah, qu'ils critiquent la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et qu'ils essaient de faire peur aux gens au sujet de sa da'wa et ils essaient de faire croire aux gens que c'est une da'wa yani, qui est basée sur la voie des khawarij et ils essaient d'appliquer des hadiths qui sont mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'Irak et ils essaient de les appliquer eux au sujet de l'Arabie Saoudite. Et l'appliquer à l'Arabie Saoudite. Donc, ce sont des menteurs, hein. Et ils sont opposés à la da'wa du tawhid et de la sunna. Et ils opposent les gens qui critiquent la bid'a. Et ils opposent les gens qui appellent à la vraie compréhension du tawhid et qui combattent le shirk. Ils ne peuvent pas les supporter. Le shaykh dit ensuite, ثُمَّ حَذَّرَ فَضِيلَتَهُ فَضِيلَتَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْمَنْهَجَ الدَّعْوِي لِهَذِهِ الْجَمَعَةِ الوافد بين خلله وبين خلله pardon. فقال تدعو إلى ترك المعاصي التي دون الشرك وفعل الطاعات مع ترك الدعوة إلى التوحيد وعدم إنكار الشرك والاقتصار على مزاولة بعض الأعمال الفرعية من ونوافل العبادات والأذكار أو انتهاج بعد المناهج البدعية في الدعوة كبدعة الخروج والسفر مدة محدودة والتزهيد في العلم في تعلم العلم النافع الذي به تعرف العقيدة الصحيحة والعبادات الشرعية والمعاملات المباحة يعرف به ما يخالف ذلك ويضاده والاعتياد عن ذلك بقراءة بعض المواعظ والأذكار والأوراد وفضائل الأعمال ثم ختم فضيلته نصيحته هذه ببيان حكم الانتساب لهذه الجماعة فقال هذه دعوة ناقصة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا يجوز لمسلم أن ينتمي إليها ويسير في ركابها لأنها لا تفيده بصيرة في دينه ومعرفة عقيدته. Donc ici le cheikh il dit au sujet de cette jama'a al-da'awiyya et il a expliqué leur faute et leurs problèmes. Il dit cette jama'a, cette secte, elle appelle à abandonner les péchés qui sont moindres que le shirk et de faire les obéissances, les formes d'adoration. Malgré tout, ils abandonnent la da'wa au tawhid. Avec ça, ils abandonnent la da'wa au tawhid et ils ne dénoncent pas le shirk. Ils se limitent uniquement à pratiquer quelques actes far'iyya, c'est-à-dire des actes d'adoration comme les nawafil dans les adorations et les adhkar. Hein, et ils se basent sur la voie de certaines voies de bid'ah, de méthodologie de bid'ah. Dans leur bid'ah, comme le fait de faire des voyages et de sortir pendant une durée de temps précise, hein, et d'écarter les gens d'apprendre la science bénéfique, par laquelle ils vont être capables de connaître la bonne aqida, par laquelle ils seraient capables de connaître les règles de l'adoration qui est selon la charia et les règles des mu'amalat, comment interagir avec les gens selon les règles de la charia. Ils éloignent les gens de cette science-là, de ces sciences-là. Hein? Donc le cheikh, il dit, ils essaient d'éloigner les gens de la science bénéfique dans l'aqida, dans les adorations, dans les mu'amalat qui sont permises dans l'islam. Hein? Et par les choses, il les empêche d'apprendre les choses par lesquelles ils seraient capables de savoir ce qui est justement en contradiction avec la bonne aqida et en contradiction avec les formes d'adoration qui sont légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala, et de même que les formes d'interaction avec les gens, que ce soit dans le commerce ou autre, qui sont légales. Qui sont, il y en a de connaître qu'est-ce qui s'oppose à ces choses-là aussi. Donc, étant donné qu'ils sont coupés de la science et qu'on les éloigne de l'apprentissage de l'islam, eh bien, ils restent dans l'ignorance. Et ils ne connaissent pas ni la bonne aqida, ni les bonnes choses, et ils ne connaissent pas non plus ce qui s'oppose à ces connaissances-là pour pouvoir s'en protéger. Et ils se limitent juste à lire quelques exhortations ou faire quelques rappels ou réciter quelques dhikr, ou bien de lire seulement le mérite de faire certaines bonnes actions. Il se limite uniquement à ces choses-là. Ensuite, le cheikh, il a terminé sa nasiha en clarifiant le verdict d'appartenir à cette jama'a. Et il a dit, cette jama'a, c'est une jama'a qui est déficiente, elle n'augmente rien du tout, hein? Elle ne sert à rien et elle n'augmente en rien. Ça veut dire quoi? Elle ne t'engraisse pas et elle ne t'enlève pas ta faim. Donc c'est pour donner un exemple, pour dire qu'elle ne sert à rien. Et que le musulman, il n'est pas permis pour le musulman d'appartenir à cette jama'a ou prétendre appartenir à cette, c'est-à-dire on n'a pas le droit de s'affilier du tout à cette jama'a et de dire qu'on est avec eux ou de marcher ou de suivre leur voie et leur méthodologie dans la da'wa, parce que elle n'augmente pas en clairvoyance dans la religion ni en connaissance dans les questions d'aqida. Et ensuite le cheikh il dit ولما قيل للشيخ حفظه الله انهم يرفضون دعوه التوحيد اجاب بقوله انا شاهدت هذا بنفسي انا القيت محاضره في التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا مجتمعين فيه فخرجوا من المسجد ومثلي أيضا بعض المشايخ ألقوا في المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه وهم وقعوا في هذا الأمر عن تخطيط وعن منهج يسيرون عليه من قديم مخطط لهم فلا يمكن أن يرجعوا عن منهجهم لأنهم لو رجعوا عنه لن حلت جماعتهم وهم لا يريدون هذا. Le cheikh, ce qu'il explique ici, mashallah, il explique justement que ces gens-là sont des gens qui, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit au cheikh qui était là, qui a dit au cheikh, cheikh, il refuse la da'wa du tawhid. Cheikh, il a répondu, il a dit, moi j'ai été témoin de ça moi-même. Une fois j'ai donné une conférence dans une des mosquées de Riyad. J'ai donné une conférence sur le tawhid. Ils étaient réunis dans cette mosquée-là et ils sont tous sortis. Et d'autres, comme moi, parmi les machères, ils ont donné des conférences dans la même mosquée sur le tawhid et ils sont sortis de la mosquée. Hein? Donc le cheikh, il dit, ces gens-là, ils sont tombés dans cette chose-là, dans cette secte. Et ce qu'ils font, c'est calculer, c'est planifier. Ils ont un manhaj sur lequel ils marchent depuis très longtemps et ça a été planifié pour eux et ils suivent cette voie-là et il n'est pas possible pour eux de revenir de cette voie-là. Parce que s'ils reviennent, leur jama'a c'est-à-dire leur da'wa, leur jama'a, leur groupe, leur secte va terminer, elle va se diviser. Ils ne pourront plus continuer leur travail s'ils cessent de travailler selon leur méthodologie d'innovation. Et il y a une note de bas de page ici qui est mentionnée par rapport au, Par rapport aux paroles de Cheikh Ibn Taymiyyah à ce sujet-là, qui mentionne des points à ce sujet-là, mais on ne va pas le mentionner. On va passer tout de suite au point des bienfaits qu'on peut extraire de cette fatwa du Cheikh Al-Fawzan. Le Cheikh dit « Yustafadu min fatwa Cheikh Al-Fawzan » فتاوى الشيخ الفوزان فيما يأتي أولا أن بلادنا كما يقول فضيلته ليست بحاجة إلى استيراد جماعة التبليغ لسلامة دعوتنا واستقامتها على منهج السلف ولله الحمد والمنة. Premièrement, il dit notre pays, en parlant de l'Arabie Saoudite, comme le Cheikh l'a expliqué, elle n'a pas besoin de faire venir la da'wa de jama'a tabligh, parce que déjà notre da'wa elle est propre et elle est basée sur le Coran et la Sunna et le manhaj des salaf, et ça fait partie de la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala et le remerciement est à Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Deuxièmement, ثانيًا يجب نبذ ما خالف دعوتنا السلفية من جماعة التبليغ أو غيرها من الدعوات المشبوهة كدعوة الإخوان المسلمين. Il dit deuxièmement, il faut repousser, comme le cheikh l'a expliqué dans sa fatwa, il faut rejeter toute da'wa qui est en opposition avec notre da'wa salafiyya de la part de Jama'at al-Tablir ou d'autres parmi les groupes douteux comme la da'wa de Ikhwan, les frères musulmans. Troisièmement, da'wa al-Tablir soufiya bid'iyya bi shahadati man sahibaha wa ayashaha la bidhunun al-kadhiba. Il dit la da'wa de tablir, c'est une da'wa c'est une secte qui est basée sur les bid'a des soufis, selon le témoignage de ceux qui ont vécu et qui les ont accompagnés, et non pas basée sur des suppositions mensongères. Quatrièmement, yajibu at-tahdhir min jama'at at-tablir khususan fi al-bilad as-saoudiyya li'anna dukhulaha ilayha ifsadun fil ard ba'da islahiha. Il dit c'est obligatoire de prévenir contre la Jama'at al-Tablir, et en particulier en Arabie Saoudite, parce que de les laisser rentrer là-bas, ça c'est comme une forme de corruption sur la terre après que la terre a été réformée. Et comme j'ai expliqué dans les cours passés, les gens de Bid'a, ils rêvent de pouvoir mettre la main sur l'Arabie Saoudite et sur les terres saintes pour pouvoir établir leur bid'a dans ces pays-là, encore une fois, comme c'était dans le passé. Hein? Et les soufiyins, et les chi'as, les rafidahs, et les autres groupes de bid'a, ils rêvent de pouvoir mettre la main sur les terres saintes pour la remplir de bid'a et de shirk et d'égarements. Ils souhaitent rebâtir les dômes sur les tombes, encore une fois. Et ils souhaitent rétablir encore une fois l'adoration des tombes et l'adoration des morts. Encore aujourd'hui, lorsque les chiens, ils vont faire leur hajj en Arabie Saoudite, ils ont une feuille avec eux, avec tous les emplacements des différentes tombes de ceux qu'ils veulent aller adorer. Et ils suivent cette liste-là, malgré qu'elles ont été rasées et détruites aujourd'hui, ils continuent à aller à ces endroits-là, c'est ça leur hajj. De faire des visites aux tombes et d'aller adorer et implorer, demander l'aide des morts. Et on les voit devant le Baqir, toute la nuit ils restent assis devant en train de pleurer et de chanter. Hein? Donc ça montre l'égarement et c'est ça leur rêve. Et toute la haine et l'opposition que vous voyez aujourd'hui dans le monde musulman, hein, contre l'Arabie Saoudite aujourd'hui, eh bien derrière cette haine il y a justement le fait que ces gens-là rêvent de voir remplacer la da'wa du tawhid en Arabie Saoudite et la da'wa salafiyya par les groupes de bid'a qui veulent et qui rêvent établir leur bid'a là-bas. Les ikhwan, ils voudraient que leur centre soit probablement là-bas à Mecca pour prendre les terres saintes et établir leur secte là-bas pour parler au nom des musulmans et de l'islam, pour se faire passer comme étant les responsables des musulmans dans le monde entier, de même que les soufiyins, de même que les chiites, de même que toutes les autres sectes d'égarement. Et c'est pour ça qu'ils se concentrent tous contre l'Arabie Saoudite et s'opposent tous à l'Arabie Saoudite à cause de ces raisons-là. Et pour enlever aussi la charia qui est là-bas et pour la remplacer par les droits de l'homme ou bien par d'autres systèmes de coffres et d'égarement, hein, comme les ikhwan l'ont fait dans d'autres pays. enlever la charia et mettre les lois faites par les hommes, alors qu'ils prétendent vouloir établir la charia. Et ce sont des menteurs. Hein? Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ensuite? من مفاسد جماعة من مفاسد جماعة التبليغ أنها تترك الدعوة إلى التوحيد ولا تنكر الشرك وتقتصر على الدعوة إلى ترك المعاصي دون الشرك وفعل الطاعات وهذا مخالف لمنهج الأنبياء عليهم السلام. الشيخ يقول كم cinquième point parmi les méfaits de cette jama'a, de cette secte de tabligh, c'est qu'ils abandonnent la da'wa au tawhid et qu'ils ne dénoncent pas le shirk. Ils se limitent dans leur da'wa uniquement à l'abandon des péchés qui sont moins graves que le shirk, et ils se concentrent aussi sur le fait de faire des actes d'adoration, et ils ne dénoncent pas le shirk. Donc le cheikh dit que ça c'est en opposition avec la méthodologie des prophètes, comment ils faisaient la da'wa. Sixièmement, sadisan manhajuha ad-da'awi yashtamilu ala al-bid'ah كبدعة الخروج والسفر مدة محدودة والتزهيد في طلب العلم الذي تعرف به العقيدة الصحيحة. Donc, sixièmement, leur méthodologie de da'wa comprend toute forme de bid'a, comme par exemple le fait de sortir et de faire des voyages pour des durées précises, 3 jours ou 40 jours ou 4 mois ou 1 an ou des choses comme ça, sans aucune preuve. Hein? Et que tu ne peux pas faire autre chose que ça. Hein? Et éloigner les gens de la science et des ulama, la science par laquelle on serait capable de connaître notre aqidah, qui est bonne pour connaître, pour corriger notre aqidah. Donc ils éloignent les gens de ça. Jazima fadilatuhu ra'ahu Allah bi anna hadhihi da'watun naqisa la tusmin wa la tughni min jou' wa sadaqa ayyadahu Allah. Il a dit, le cheikh, hein, que Allah le supporte, il a dit avec certitude que cette da'wa, elle est déficiente, qu'elle a des manquements, et qu'elle n'augmente rien, et qu'elle n'engraisse en rien. C'est-à-dire, elle n'enlève pas la faim, elle n'engraisse en rien, c'est-à-dire, elle ne sert à rien. Et il a dit, certes, il a raison, et que Allah le supporte. Ensuite, il dit, comme huitième point, وَأَفْتَ حَفِظَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجُزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْتَمِي إِلَيْهَا وَيَسِيرْ فِي رِكَابِهَا. Donc, il a dit, il a fait comme fatwa également qu'il n'est pas permis aux musulmans d'appartenir à ce groupe-là et de marcher dans leur voie. Et il y a des gens parmi les gens de bid'a, qu'est-ce qu'ils disent? Quand on leur pose des questions au sujet des jama'at, des différentes jama'at, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, chaque jama'a, ils font ce qu'ils veulent faire. On peut ne pas être d'accord avec jama'a tablir sur ce qu'ils font, mais eux, ils se concentrent sur un aspect de la religion. Il ne faut pas les dénoncer. Il ne faut pas les critiquer. Et d'autres, ils se concentrent sur les aspects politiques. Et d'autres, ils vont se concentrer sur les aspects économiques. Et d'autres, ils vont se concentrer sur les aspects de la science et de l'apprentissage de la religion. Et d'autres, ils vont se concentrer sur le djihad. Et d'autres, ils vont se concentrer sur, hein, etc. Et donc, tout le monde doit s'accepter, puis on ne doit pas se critiquer les uns les autres, parce qu'on est tous en train de faire un aspect parmi les aspects de l'islam. Et ça, c'est en réalité une fausseté et un mensonge. Parce que toutes ces jama'ats différentes ont toutes des méthodologies différentes, des croyances différentes et des voies différentes et des bid'ahs et des adorations différentes. Donc comment ces gens-là peuvent prétendre qu'on est tous en train de travailler dans la même voie, puisque tu trouves parmi ces gens-là des gens avec des différentes bid'ahs, différentes aqidahs, l'aqidah ash'ariya, l'aqidah soufiya, l'aqidah al-maturidiya, ou bien d'autres aqaïd aussi, et l'aqidah des takfiriyin, hein, l'aqidah des khawarij et toutes ces choses-là. Donc comment ces gens-là peuvent prétendre qu'on est tous en train de remplir une partie, de faire notre part ou de travailler tous ensemble soi-disant mais dans différents domaines? Non, c'est faux. Ça, c'est des gens qui veulent tromper les musulmans et qui cachent la réalité de l'égarement de certaines de ces jama'ats justement pour justifier la division. Parce que si ces gens-là sont sur un groupe et sur une secte, et qu'ils disent, il n'est pas permis aux musulmans de faire des groupes et des sectes et de se diviser, Donc, qu'est-ce que les autres sectes ou les autres groupes vont dire? Ils vont dire, vous faites la même chose et puis vous interdisez ça aux autres de le faire. Et c'est pour ça que, justement, quand vous voyez des gens de Bid'a, ils essaient de critiquer les salafis en essayant de mentionner cet exemple-là. Ils essaient de dire, mais vous êtes vous aussi un hizb, et vous êtes vous aussi un groupe, et vous êtes vous, hein? Ils essaient de faire passer la même chose sur nous. Et nous, et les ulama, alhamdoulilah, ils clarifient, ils réfutent cette idée-là. Ils disent, premièrement, on n'a pas de chef. On n'a pas une bay'a à un amir, hein, autre que le dirigeant dans le pays musulman où on vit. Et on n'a pas non plus d'une aqidah ou un manhaj autre que qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna. Donc c'est ça notre aqidah et c'est ça notre manhaj. Le Coran et la sunna et la voie des salaf salih. Donc il n'y a pas d'autre chose que ça. Alors on ne peut pas être comparé à ces groupes et à ces jama'at qui ont été inventés au début du siècle, hein, qui font partie des voies qui mélangent toutes les gens ensemble sans leur enseigner la aqidah, sans leur expliquer le manhaj des salaf et qui veulent mélanger le vrai et le faux. Hein? Donc on n'est pas une secte, on n'est pas un groupe comparable à qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire et qu'est-ce que eux sont en train de faire, c'est complètement opposé et contraire à l'islam. Donc, le cheikh il dit ensuite wa afta حفظه الله بأنه لا يجوز. Donc il a dit il n'est pas permis aux musulmans de faire partie de ce groupe et de suivre leur voie. Il dit تاسعا neuvièmement يبين أعزه الله بأن التبليغيين في بلادنا وغيرها ينفرون من دعوة التوحيد ودروس التوحيد ويخرجون من المسجد إذا كانت المحاضرة في بيان التوحيد في بيان التوحيد رب العالمين وقد رأى ذلك بنفسه فالله المستعان. Donc, le cheikh il dit que il clarifie que la jama'at tabligh en Arabie Saoudite et ailleurs ils veulent faire fuir les gens de la da'wa du tawhid et des cours du tawhid et ils sortent de la mosquée lorsqu'il y a une conférence qui est faite sur la clarification du tawhid et il a vu ça lui-même le cheikh, hein? فالله المستعان. Dixièmement, وختم فضيلته وهو العارف بالجماعات البدعية المعاصرة هذه الوصايا المباركة بقوله عن التبليغيين لا يمكن أن يرجعوا عن منهجهم لأنهم لو رجعوا لانحلت جماعتهم وهم لا يريدون هذا. الشيخ الزي على fin pour terminer sa fatwa ou sa nasiha, il dit que, alors qu'il, parce qu'il est très au courant, il connaît très bien les différents groupes modernes, contemporains, il dit à la fin, au sujet des tablighiyin, il dit, il n'est pas possible que ces gens-là reviennent de leur méthodologie d'innovation. Parce que s'ils reviennent, leur jama'a va se diviser, hein, s'ils reviennent au tawhid et à la vérité. Et eux, ils ne veulent pas justement que leur jama'a se divise et se détruise. Yani. Donc, ils vont se taire au sujet du tawhid, ils ne vont pas expliquer les principes à ce sujet-là. Le cheikh, il mentionne ensuite les paroles d'un autre parmi les ulama, un des grands ulama de Ahl-Sunnah. سي الشيخ العلامة الغديان فهذا سائد علمائكم يا أنصار العقيدة العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء سأله سائل فقال نحن في قرية يتوافد علينا ما يسمى بجماعة التبليغ فهل نمشي معهم أم لا فأجاب أعزه الله بقوله لا تمشي معهم إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال غفر الله له لما سئل عن جماعة التبليغ في الحقيقة أن الجماعات هذه جاءتنا وعملت حركات في البلاد حركات سيئة لأنها تستقطب وبخاصة الشباب لأنهم ما يريدون الناس الكبار هؤلاء خلصوا منهم ما لهم فيهم شغل ولكن يأتون أبناء المدارس في المتوسط وأبناء المدارس في الثانوي وأبناء المدارس في الجامعات وهكذا بالنظر للبنات أيضا وفيه دعوتنا الآن لجماعة الإخوان المسلمين وفيه دعوة لجماعة التبليغ حتى في مدارس البنات فلماذا ما يكون الإنسان مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا مع فلان الهندي ولا مع فلان المصري Le Cheikh il explique, il dit qu'on a posé donc la question au sixième d'entre vos ulama ou vous qui êtes en train de défendre la aqida, le Cheikh al-Allama Abdullah ibn Abdurrahman al-Hudayyan, un des membres des grands savants de l'Arabie Saoudite, du comité des grands savants. On lui a posé la question, il dit nous sommes dans un village et il y a des gens qui viennent nous voir parmi des groupes qui s'appellent Jama'atut Tablir. Est-ce qu'on doit partir avec eux ou non? Le Cheikh il a répondu, ne marche pas avec eux ou ne pars pas avec eux, mais pars avec ou marche avec le Coran et la Sunna, le livre d'Allah et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il a dit, en réalité ces groupes-là, elles nous sont venues, elles nous sont arrivées et elles ont fait des mouvements dans le pays et des mauvais mouvements. Et ils se concentrent en particulier sur les jeunes, parce qu'ils ne veulent pas les vieux, les personnes âgées, ils ont fini avec eux, ils n'ont aucun intérêt avec eux. Tout ce qu'ils pensent, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est les jeunes dans les écoles intermédiaires, ou dans les écoles secondaires, ou dans les écoles, les universités, et même dans les écoles des filles aussi. Parce que les Jama'at Tablir, en passant, ils ont un mouvement maintenant, ils ont incorporer les femmes là-dedans et elles se réunissent ensemble puis elles font soi-disant le khuruj entre elles elles visitent les femmes et se visitent entre elles donc ça c'est un exemple aussi d'égarement et le cheikh il dit wa fihi da'watuna al-an lil jama'at al-ikhwan al-muslimin il y a aussi une da'wa aujourd'hui maintenant la da'wa des ikhwan al-muslimin qui est en Arabie Saoudite, yani aussi, qui fait des problèmes en Arabie Saoudite. Il y a la Jama'at al-Tablir. Même dans les écoles des filles, subhanallah, il dit pourquoi une personne, il ne va pas être avec le messager d'Allah au lieu d'être avec un tel de l'Inde ou un tel de l'Égypte. Donc, ça c'est. En parlant de l'Inde, il parle de Mohamed Elias. Et en parlant de l'Égypte, il parle de Hassan al-Banna, le fondateur de la secte des frères musulmans. Et une des choses aussi par rapport à la secte ou au groupe des frères musulmans, une chose qu'il faut faire très attention, c'est que ces gens-là, ils ne se disent jamais être Ikhwan al-Muslimin en partie. Quand ils font leurs organisations et leurs activités et tout, ils disent jamais organisé par les frères musulmans ou Ikhwan al-Muslimoun. Ils utilisent toujours un autre nom ou d'autres noms pour se camoufler. Donc, ils ont plein de mosquées, plein de centres, ils ont plein d'associations et de groupes et d'organisations qui travaillent tous ensemble, qui sont toutes sur la même voie que les frères musulmans, la voie des Ikhwan al-Muslimoun, mais ils ont tous des noms différents et des organisations différentes et des associations différentes et des activités différentes. Et toi, quand tu vois ça de l'extérieur, tu dis, ah, mais ce sont tous des musulmans qui coopèrent et qui collaborent ensemble. Alors qu'en réalité, ce sont tous une seule et même groupe. Ils sont tous sur une seule et même voie. Mais en apparence, toi, tu regardes ça, t'as l'impression que ce sont des différents groupes, et des différentes mosquées et des différentes associations. Ils sont tous pareils, ils sont tous ensemble. Ils sont tous des frères musulmans ou sur la voie et la tendance des frères musulmans. Donc, ils sont tous pareils. Mais les gens ne savent pas ça parce qu'ils ne se déclarent pas et ils ne se présentent pas comme étant sur cette voie-là. Et surtout en Occident, yani Allah musta'an. Donc, le Cheikh, il dit ensuite, والسابع هذه الكوكبة السلفية المباركة شيخنا الفقيه المدقق صالح ابن عبد الرحمن الأطرم حفظه الله عضوا هيئة كبار العلماء حيث يقول فيهم يقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، 3 أيام و40 يوما و4 أشهر، وفي النهاية إلى زيارة ماذا؟ إلى مسجد يضم قبر ميت. هذه دعوة إلى الله، إلى آخر كلامه في التحذير من ضلالاتهم وبدعهم وفساد دعوتهم. الشيخ الزي que le septième parmi vos grands ulama, parmi les ulama salafiyin, notre sheikh al-faqih, sheikh Salih ibn Abdurrahman al-Atram, qui est un des membres des grands ulama de l'Arabie Saoudite, du comité des grands ulama, et il dit au sujet de Jama'at Tabligh qu'il divise la da'wa en différents jours et en différentes périodes, hein, par évolution, tadrijiyan, hein. C'est-à-dire, il commence par 3 jours, après 40 jours, et après 4 mois, et à la fin, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi cette visite à la fin? Ils vont dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe, un mort dedans. Hein? Et est-ce que c'est ça la da'wa à Allah? C'est ça qu'on appelle à Allah? Hein? Donc ça c'est une partie de ce que le Cheikh a dit, et c'était dans sa parole lorsqu'il a averti contre les égarements et les innovations et la corruption de cette da'wa. Ensuite, le cheikh il dit wa fatwa al-allama at-tuwayjri wa thaminu ha'ula al-ulama al-nasihin al-akhyar al-sheikh al-allama al-mujahid Hamoud ibn Abdillah at-tuwayjri rafa'a Allahu darajatah sahibu kitab al-qawl al-baligh في التحذير من جماعة التبليغ وهو أحسن أو من أحسن ما ألف فيهم حيث يقول رحمه الله أما جماعة التبليغ فإنهم جماعة بدعية وضلالة وليسوا على الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان وإنما هم على بعض الطرق الصوفية و manahijihim al-mubtada'ah. Le sheikh il mentionne ici le 8e d'entre vos ulama qui a donné la nasiha, hein, le grand savant, le mujahid, le sheikh Hamoud ibn Abdullah al-Tuwayjri, hein, que Allah élève son degré, celui qui a écrit le livre La parole claire au sujet dans l'avertissement contre le jama'at al-tablir, Al-Qawl al-Baligh fi al-tahdhir min jama'at al-tablir, et c'est le meilleur livre ou un des meilleurs livres qui a été écrit à ce sujet-là. Et il dit justement dans ce livre, en ce qui concerne Jama'at al-Tablir, c'est un groupe de bid'ah et d'égarement. Ils n'ont laysu 'ala al-amr alladhi kana 'alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas sur la voie sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et ceux qui l'ont suivi dans le bien. Ils sont uniquement sur des voies soufies et leur méthodologie innovée. Donc ça c'est un exemple de ce grand savant là et également il y a les paroles du Cheikh Hamad Al-Ansari. Tasi'u ha'ula al-ulama al-abrar 'alim al-Madina muhaddithuha al-Cheikh Hamad ibn Muhammad Al-Ansari ghafar Allah lah yadhkuru mawqifan marra bihi yaqul dakhaltu marratan al-Masjid al-Nabawi fara'aytu jama'atan kabiratan tahta as-sa'ati al-kabira سألت أحدهم من هؤلاء فقال هؤلاء جماعة التبليغ فقلت له ماذا يبلغون فقال لي يبلغون الدعوة في هذه البلاد العربية فقلت له وهل بلغ الشيخ والبوذية فهل بلغ السيخ والبوذية فهل بلغ السيخ والبوذية ثم قلت له إن هؤلاء الجماعة لا يريدون العلم ولا يطلبونه فهذه الطريقة يفسدون أكثر مما يصلحون وجماعة التبليغ أعرفها جيدا وهم في العقيدة ماتريدية جستية وفي المذهب أحناف متعصبة ومرة كان لي محاضرة بمسجد الجرف بالمدينة المنورة، فعندما بدأت في إلقاء المحاضرة كان في المسجد جماعة من التبليغ، خرجوا كلهم مع بداية المحاضرة. للشيخ الزي، للشيخ لنفيان دانتخفو علماء، سي لعالم دو ميدزين، المحدث للشيخ حماد محمد الأنصاري كي دوريجينير دو مالي. Il dit, il mentionne une, position, une situation qui lui est arrivée. Il dit, je suis rentré dans la mosquée An-Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai vu un groupe, un grand nombre de personnes, un grand groupe qui était réuni sous l'horloge, la grande horloge. Et j'ai questionné un d'entre eux, qui sont ces gens-là? Alors il a répondu, il a dit, ce sont Jama'at al-Tablir, c'est le groupe de Tablir. Et Tablir, c'est-à-dire de transmettre, groupe de transmission, qui font la transmission de l'islam, soi-disant. Et alors le cheikh, il a posé la question, qu'est-ce qu'ils transmettent? Alors ils ont répondu, ils transmettent la da'wah dans ce pays arabe. Alors le cheikh, il a répondu, il a dit, est-ce qu'ils ont transmis aux bouddhistes et aux sikhs qui sont en Inde? Est-ce qu'ils ont transmis l'islam aux bouddhistes et aux sikhs qui sont là-bas en Inde et aux hindous? Il n'a pas dit les hindous, mais on peut le rajouter parmi ces gens-là qui adorent les vaches et les... subhanallah, ils ont plein de shirk en Inde là-bas dans leur pays. Et ils laissent la da'wa à ces gens-là, ils vont faire la da'wa à d'autres dans les pays musulmans qui sont sur le tawhid et qui ont des ulama avec eux. Donc ça c'est un exemple. Après donc le cheikh Hamad al-Ansari rahimahullah, il dit, puis je leur ai dit, ceux-là, cette jama'a, ils ne veulent pas la science et ils ne la recherchent pas. Et cette voie-là, et en utilisant cette voie et en faisant ça, en s'écartant de la science, ils font plus de mal que de bien. Et la jama'a al-Tablir, je la connais très bien. Dans l'aqida, ce sont des maturidiyya jistiyya. Maturidiyya, la secte des maturidiyya qui nie les attributs d'Allah et qui les déforme. Et jistiyya, c'est la voie des soufis, l'aqida des soufis de wahdatul wujud et de hulul et d'autres bid'a également. Et ils sont sur la voie des ahnaf, ils suivent la voie des ahnaf qui sont fanatiques. Ils suivent leur madhab de manière borné et fanatique. Et il dit, une fois je donnais une conférence à Médine dans la mosquée de Al-Jurf, et lorsque j'ai commencé à faire la conférence dans la mosquée, il y avait un groupe de Jama'at Tablir qui était là. Ils sont tous sortis au début de la conférence. Quand j'ai commencé à faire la conférence, ils ont tous sorti de la mosquée. Après le cheikh il dit, wa su'ila rafa'allahu darajatah عن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ هل هم في أهل من أهل السنة؟ فأجاب رحمه الله بقوله كل من كان على فكر مخالف لأهل السنة فليس منهم، فجماعة الإخوان والتبليغ ليسوا من أهل السنة لأنهم على أفكار تخالفهم. شيخ الزي، on a posé la question au شيخ حماد الأنصاري، que Allah l'élève en degré, au sujet de Jama'at al-Tablir et au sujet des Ikhwan, les frères musulmans, la secte des Ikhwan, est-ce qu'ils sont parmi les gens de Ahl al-Sunnah? Il a répondu, tous ceux qui sont sur une idée qui est en opposition avec Ahl al-Sunnah, ils ne sont pas de Ahl al-Sunnah, ils ne font pas partie de Ahl al-Sunnah, comme le groupe des Ikhwan et le groupe de Tablir ne font pas partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, parce qu'ils sont sur des idées qui sont en opposition avec les positions d'Ahlus Sunnah, comme le soufisme, comme la voie, l'idée des Khawarij, comme l'idée des Mu'tazila et d'autres croyances parmi les croyances que ces gens-là adoptent. Le Cheikh il mentionne ensuite, et on va terminer avec ça aujourd'hui inshallah, la fatwa du Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah. وَعَاشِرُ عُلَمَائِكُمْ يَا أَهْلَ السُّنَّةِ الَّذِينَ حَذَّرُوا مِنْ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا محدث الديار اليابانية العلامة مقبل بن هادي الوادعي غفر الله له وأعلى درجته قال في جواب له عن جماعة التبليغ والمؤلفات في بيان شركياتهم وصوفياتهم وما هم عليه من الضلال ودعوتهم دعوة ميتة ولو لم تكن ميتة ما كانت تذهب في وقت الشيوعية إلى بلاد ولو لم تكن ميتة ما كانت تذهب في وقت الشيوعية إلى بلاد الشيوعية وقد جاءنا أخ فرنسي وقلنا له هل نستطيع أن نأتي إلى بلادكم للدعوة إلى الله قال لا تستطيعون إلا إذا كان باسم جماعة التبليغ فهم مأذون لهم دعوتهم لو كانت في زمن أبي جهل ما أنكر عليهم فهم يدعون إلى ست خصال فهي دعوة مبنية على جهل والله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فدعوتهم دعوة جهل وضلال ولا أنصح بالخروج معهم ويا حبذا لو منعوا تحفة المجيب لو منعوا ويا حبذا لو منعوا c'est ça. Le cheikh il dit ici, le dixième d'entre vos ulama, ô vous Ahlus Sunnah, parmi les ulama d'Ahlus Sunnah qui ont averti contre cette jama'a et contre le fait de sortir avec eux, c'est le muhaddith du Yémen, le grand savant al-allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, que Allah lui pardonne et élève son degré. Il a répondu au sujet de jama'a tout tablir. Il a dit, et les livres écrits à leur sujet qui clarifie leur shirk et leur soufisme et ce qu'ils suivent comme égarement sont nombreux et leur da'wa elle est une da'wa qui est morte et si leur da'wa n'était pas morte ils ne pourraient pas à l'époque du communisme aller dans les pays communistes on les aurait pas acceptés donc ça c'est la preuve que leur da'wa elle est morte et il y a un frère français qui est venu nous voir et il nous a dit est-ce que, on lui a demandé, un Français qui est venu voir le Cheikh, et le Cheikh a demandé à ce frère de la France, est-ce qu'on est capable d'aller dans votre pays pour faire la da'wa à Allah? Et le Cheikh, il a répondu, le frère de la France, il a répondu, il a dit, non, vous ne pouvez pas accepter si vous venez au nom de Jama'at Tablir, parce que eux, on leur permet de venir. Et on va mentionner également plus tard, le cheikh il dit en bas de page, il dit on va mentionner plus tard les causes pourquoi les pays des Kuffar sont acceptent Jama'at al-Tablir. Ça on va en parler après, inshallah. Les pays occidentaux pourquoi ils acceptent et les pays de Kuffar pourquoi ils acceptent Jama'at al-Tablir. Donc le cheikh il dit si vous le cheikh il dit leur da'wa si c'était à l'époque de Abu Jahl, eh bien, Abu Jahl n'aurait pas dénoncé leur groupe et n'aurait pas renié ce qu'ils font. Le cheikh, il explique en bas de page, لأن التبليغيين يفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ويدعون إلى ذلك وقريش تقر به ولا ينكرون الشرك في الألوهية فهذا ما يريده أبو جهل فلماذا ينكر عليهم فَلِمَاذَا يُنْكَرُ عَلَيْهِمْ donc فَلِمَاذَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ pardon c'est ça il dit que les tablirs ils expliquent la parole de la ilaha illallah et du tawhid comme si c'était tawhid al-rububiyya que Allah c'est le créateur le maître et tout donc les gens de Quraysh à l'époque ils acceptaient ça déjà tawhid al-rububiyya et les gens de Tablir ils ne dénoncent pas le shirk dans l'adoration et c'est ça ce que voulait Abu Jahl il voulait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dénonce l'idolâtrie qu'ils font et l'adoration des idoles et donc pourquoi dans ce cas là Abu Jahl dénoncerait ce qu'ils font puisque les gens de Tablir ils ne dénoncent pas le shirk et l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala la preuve ils acceptent ce que les gens font dans les pays musulmans, d'adoration des tombes et des choses de ce genre. Dans leur pays même, là où il y a leur marquez, il y a la tombe à l'intérieur de la mosquée. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Ils ne vont pas dénoncer le shirk. Et donc le cheikh il dit leur da'wa à l'époque de Abu Jahl, hein, si c'était à l'époque d'Abu Jahl, Abu Jahl n'aurait pas rejeté leur da'wa à cause de qu'est-ce qu'on a expliqué. Donc ils appellent uniquement à 6 points, et donc leur da'wa elle est basée sur l'ignorance. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dit voici ma voix, j'invite ou j'appelle à Allah avec science, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc eux, les gens de la secte de Tablir, ils sont des gens qui invitent à l'ignorance et à l'égarement. Et je ne conseille à personne de sortir avec eux. Et ya habadha law muni'u, c'est-à-dire, je souhaiterais qu'ils soient interdits, qu'on leur interdise de rentrer et de faire leur da'wa. Donc ça y est pour aujourd'hui. Inch'Allah, on va s'arrêter à ce point. On continuera ça au prochain cours, bi'iznillah, avec d'autres paroles et d'autres fatawa des ulama de Ahlus Sunnah qui nous clarifient, qui nous expliquent la réalité de cette secte et les dangers et l'égarement de cette secte. D'accord? Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Et donc, c'est un encouragement en même temps pour nous, les gens qui aimons la vérité, inch'Allah, qui voulons suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih, hein, et qui voulons rester sur le tawhid et sur la bonne aqidah. C'est un encouragement de la part de nos ulama et un témoignage de la part de nos grands imams de l'islam de nous faire comprendre qu'ils sont tous unanimes et qu'ils sont tous d'accord et qu'ils sont tous sur la même position et la même opinion face à cette jama'a, et qu'il n'y en a pas deux qui ont dit des choses différentes à leur sujet. Donc on s'arrête ici, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.